Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 19 février, nous souhaitons une bonne fête au Gabin. Le dicton nous dit à la SA Gabin, prépare tes outils, bientôt au jardin, tu en auras besoin. Pas de célébration internationale et dans les événements qui se sont déroulés un 19 février, c'est du cinéma. Ça tombe bien, c'est le mercredi. En 1964, c'était la sortie du film Les Parapluies de Cherbourg. À la comédie musicale de Jacques Demy avec entre autres Catherine Deneuve. Allez, tout de suite, on laisse la parole à Chris qui nous parle du don du son pour ce mois de février. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo, sur cette FM, c'est Chris et aujourd'hui, comme tous les mois, je vais vous communiquer le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de février 2020 dans notre département. Mais avant de vous communiquer les différentes dates, nous allons voir ensemble la lettre du docteur Morel, responsable prélèvement à Nancy. Donc, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante de besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, je vais vous communiquer tout de suite les différentes dates de collecte du sang pour le mois de février dans notre département. Le vendredi 21 février à Saint-Étienne-lès-Remiremont, à la salle polyvalente, située à l'adresse 31 route de Xénois, de 16h à 19h30. Le mardi 25 février, à l'Etoli, à la salle polyvalente, située à l'adresse 2 route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Le jeudi 27 février, à Archette, à la Maison pour tous, située à l'adresse 82 rue du Haut du Mont, de 16h à 19h30. Le vendredi 28 février, à Leval d'Ajol, à l'espace Dorothée, située à l'adresse 71 Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Je le répète une dernière fois, mais il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Allez, tout de suite, on passe à un autre événement et on va parler nourriture, entre autres, il me semble. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. C'est Chris et aujourd'hui je reçois Capucine de la mairie de Remiremont pour nous parler du 25e salon au rendez-vous des terroirs d'ailleurs. Bonjour Capucine. Bonjour. Donc qu'est-ce que ce salon ? Alors c'est un salon qui donc, existe depuis 25 ans à Remiremont. D'accord. Et le but c'est de rassembler le temps d'un week-end des exposants qui montrent leur savoir-faire, qui viennent des quatre coins de la France mais aussi de l'étranger. Cette année on a Madagascar et la Hongrie pour présenter leurs produits. Donc c'est majoritairement des choses qui se mangent mais aussi qui se boivent. Donc on a des mets salés, des mets sucrés et des boissons comme soit des jus de fruits ou du vin, du champagne. Voilà. Donc ce salon au rendez-vous des terroirs d'ailleurs c'est les 22 et 23 février prochain. C'est ça, samedi et dimanche. Les deux jours, c'est toute la journée, au Palais des Congrès à Remiremont. D'accord, donc le samedi, c'est 10h-20h. C'est ça, 10h-20h. Et le dimanche, on ferme un tout petit peu plus tôt, à 19h. Comme vous l'avez dit, les exposants, c'est des 100% artisanaux. C'est ça. Les donc on les trie consciencieusement, parce qu'en fait, tous les ans, on a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire. Mais on essaye de trouver le meilleur et de proposer le meilleur au public. La contrainte principale, c'est qu'ils soient producteurs. Et qui viennent montrer leur savoir-faire et donc qui montrent la richesse des terroirs, d'où le nom du salon. Ce salon, c'est la 25e édition, donc ça fait 25 ans que ça existe. C'est ça. Comme je l'ai dit, l'idée de générale, c'est vraiment de montrer que en France, mais aussi ailleurs, on a des producteurs qui travaillent très très bien, qui cherchent à montrer leur savoir-faire. Et c'est ça qu'on cherche à mettre en avant. C'est vraiment toute une richesse de patrimoine et puis aussi se faire plaisir avec de la nourriture, parce que c'est principalement bien ce qu'on propose. Mais voilà, donc vu que c'est la 25e, 25e édition, on a décidé de mettre en avant les producteurs qui nous suivaient depuis 25 ans, parce que c'est quand même quelque chose qui est rare sur des salons, des gens qui sont là vraiment depuis le début, depuis la première édition. Donc nous, c'est principalement des vignerons qui viennent de toute la France, il y en a même qui viennent du sud de la France, qui font toute la route pour venir jusqu'à nous. D'accord. Donc sur les 62 exposants. Et puis, on a décidé aussi, donc les nouveautés 2020, il y a le chocolatier Bocal qui sera là et qui proposera une fontaine de chocolat, mais un petit peu particulière vu que ça sera une fontaine de pâte à tartiner. Donc voilà, qui régalera tous les gourmands. Et on a aussi, pour l'anniversaire, un parrain qui est un invité d'honneur qui s'appelle Jonathan Mougel, qui est le meilleur ouvrier de France 2019 en pâtisserie. Et confiserie, et qui sera là le samedi après-midi pour proposer une animation. Et l'animation, ça sera un décor en sucre. En fait, c'est travailler le sucre, le faire fondre. C'est ce qu'on appelle du sucre tiré. Et c'est pour faire des décors. Donc lui, il peut faire des bouquets. Il fait des bouquets magnifiques. Donc je vous invite à aller voir sur ses réseaux sociaux. Il en poste régulièrement. Donc il sera là tout le samedi après-midi pour travailler le sucre et monter ce décor et évidemment répondre aux questions du public. Donc à noter que ce salon accueille tous les ans plus de 3000 visiteurs. Oui, c'est ça. C'est un des gros salons de la ville, avec le salon Art et Artisanat qu'on a en novembre. Mais cette fois-ci, davantage, c'est vraiment pour petits et grands, parce que la nourriture, ça parle à tout le monde. D'autant plus que les gens qui viennent sur place, comme on le disait, on est ouvert toute la journée. Et il y a une restauration sur place tout le temps. C'est-à-dire que peu importe l'heure à laquelle vous venez, il y a à la fois les stands des exposants, mais aussi des stands qui proposent de la nourriture à emporter ou à consommer sur place, avec des huîtres, des crêpes, vraiment plein de mets différents, salés et sucrés, donc soit pour un petit goûter, soit pour le repas du midi. Donc vraiment, si vous voulez amener vos enfants aussi, il n'y a vraiment aucun souci, ils sont comblés, et leurs estomacs aussi. Bien sûr. Donc l'animation de ce salon est assurée par monsieur Jean-Pierre Roussel. C'est ça, ouais. C'est un monsieur qui fait beaucoup d'animation, qui fait l'animation du salon depuis de nombreuses années. Mais il est assez connu dans les Vosges et ailleurs pour faire de l'animation de manière générale. C'est aussi lui qui va au salon de l'agriculture. Donc là, il y sera cette année aussi pour s'occuper de faire l'animation du stand des Vosges. Mais oui, il est assez connu. Quand il y avait encore la fête des images à Épinal, c'est lui qui s'occupait de faire toute l'animation. Il se déguise de temps en temps aussi. Là, il ne se déguisera pas. Mais il est bien connu pour savoir mettre en avant les exposants et puis échanger avec le public. D'accord. Donc, une autre des animations proposées, une tombola. Oui, c'est ça. Alors en fait, notre entrée coûte 3 euros, sauf pour les moins de 12 ans. D'accord. Et l'entrée donne droit à un billet de tombola. Donc la tombola, ça sera donc les deux jours, toute la journée. Et les tirages au sort se feront toutes les demi-heures. Et il y a une centaine de lots à gagner de manière générale qui sont fournis par nos exposants. Donc ça sera possible de gagner, donc, que ça soit du vin ou des produits comme du foie gras. Enfin voilà, c'est vraiment très très varié. Dès que vous achetez votre billet d'entrée, en fait, vous entrez automatiquement dans la tombola. Il y a également une nouveauté cette année, Jacques Bocal. Oui, c'est ce que je disais, avec la fontaine qui est chocolatier, bien connue, qui a ouvert plusieurs magasins, dont un à Vanier, et qui va venir avec sa fontaine en chocolat. Une autre nouveauté, des confitures atypiques. C'est ça, pardon. Des confitures de Valéjean, donc toujours, encore une fois, un producteur qui fait tout de A à Z. Et qui essaye de rajeunir un petit peu les confitures et d'en proposer vraiment à la fois des classiques, mais aussi d'autres avec un petit twist sur les parfums. Et voilà, donc c'est un nouvel exposant qu'on a cette année qui n'y a plus qu'à découvrir. D'accord, donc Valéjean, ces confitures, on pourra les goûter ? Oui. Oui, oui. Alors, il faut tous les exposants, comme je le disais, il y a à la fois la partie restauration, mais il y aura aussi des dégustations sur chaque stand des exposants, parce que le but, quand même, c'est de pouvoir goûter avant d'acheter et de savoir ce qu'on va acheter après. Donc, la plupart des exposants feront évidemment des petites dégustations sur leur stand pour pouvoir tout goûter. Avec ces confitures, il y aura des infusions ? Oui, c'est ça. Il y aura des infusions, donc c'est des plantes. qui font infuser et qu'ils utilisent aussi dans les confitures en mélangeant des herbes aromatiques aussi aux fruits. Pas dans toutes, mais voilà. Donc on rappelle le prix, donc c'est 3 euros sauf pour les moins de 12 ans. C'est ça, donc c'est 3 euros à partir de 12 ans, donc les enfants ne payent pas. Et c'est au Palais des Congrès à Remiremont, le parking est gratuit, on a un parking de 400 places juste devant. Au niveau des horaires, c'est vraiment une grande amplitude horaire, comme je l'ai dit, ouvert toute la journée, de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. Et information importante également, au Palais des Congrès, il y a un accès adapté aux personnes à mobilité réduite. C'est ça, oui. Comme ça, tout le monde peut venir. Oui, notre salon est accessible à tous. Voilà, donc quelques infos pratiques, contact presse et information. C'est moi. Voilà. C'est moi, donc c'est possible de me joindre à la mairie de Remiremont au 03 29 22 20 49 ou alors par mail à communication@remiremont.fr. On peut également s'adresser à la mairie de Remiremont. C'est ça, directement. Ouais, au 03 29 62 24 17 ou mairie@remiremont.fr. C'est ça, pour toutes les questions que vous avez sur le salon, on pourra vous y répondre. Et aussi sur Facebook, je fais des révélations au fur et à mesure sur le compte de la ville avec les nouveautés qu'on va avoir, les exposants, j'essaie de les mettre en avant. Et puis, on a un événement dédié sur Facebook, donc si vous voulez le rejoindre pour avoir toutes les informations, c'est possible également. On vous attend, et puis donc c'est ce week-end, les samedis 22 et dimanche 23 février, au Palais des Congrès à Remiremont. Donc voilà, merci Capucine. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Mangez-moi. C'est le chant du silo qui subit. Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la paix. Et voilà, merci à Capucine. Et Chris, bien, c'est que ça nous a donné un petit peu faim, hein, tout ça, de parler de nourriture. Mais tout de suite, on va s'écouter le chanteur Seal avec son titre Crazy. Survive unless we are a little crazy. Seal sur RGM. 8h48, on parle anniversaire. Ils sont nés un 19 février 1938. Naissance de Rick Azaray, chanteuse israélienne. On s'écoute tout de suite un petit extrait de son titre « Sans chemise, sans pantalon ». Vous me permettrez sans façon de vous présenter ma chanson. Sans chemise, sans pantalon. À quoi bon vous aider au cri puisque vous chanterez aussi. Sans chemise, sans pantalon. Voilà pour Rick Azaray. On reste en chanson puisqu'en 1940, c'était la naissance de Smokey Robinson, chanteur américain du groupe The Miracles, dont on écoute un extrait du titre « You have really got a hold on me ». Voilà pour l'extrait du groupe The Miracles. 1945, naissance de Michael Nader, acteur américain connu pour son rôle de Dex Dexter dans la série télé Dynasty. 1954, naissance de Francis Buchholz, musicien allemand du groupe Scorpion entre 1973 et 83 et de 84 à 92. Il a joué notamment sur le titre Wind of Change dont on écoute bien sûr un extrait. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Voilà pour l'extrait des Scorpions. 1955, naissance de Jeff Daniels, acteur américain vu dans Dumb and Dumber, Dumb and Dumber 2, dans le rôle d'Harry Dune, Les 101 Dalmatiens dans le rôle de Roger, The Hours, Seul sur Mars, Steve Jobs ou encore Divergente 3. 1963, naissance de Seal, chanteur britannique. 1967, naissance de Benicio Del Toro, acteur américain vu dans Permis de tuer, Trafic dans le rôle de Javier Rodriguez, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, City, les films Che, première partie l'Argentin et deuxième partie Guérilla, où il a incarné le Che Guevara. Les Gardiens de la Galaxie, dans le rôle de Tanlir Divan, alias le collectionneur, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Avengers Infinity War, et vu également dans Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. 1980, naissance de Stevie Boulet, connu pour avoir participé à la première édition de l'émission de télé-réalité Love Story, et il est devenu par la suite chroniqueur télé, hein, notamment dans les émissions de Laurent Ruquier. C'est également l'année de naissance de Charlie Bruno, actrice française qui incarne Roxane Le Kervelec depuis 2012 dans la série télé En Famille. 1981, naissance de Bess Ditto, chanteuse américaine du groupe Gossip. 1987, naissance d'Anouar Toubali, acteur français, un acteur de petite taille hein, qu'on a pu voir dans Les Caïras où il a incarné le mini-facteur Pattaya dans le rôle de Karim le Nain, Nos chers voisins et plus récemment Taxi 5 hein, dans le rôle de Michel, le policier municipal. principales. 2000, naissance de Sandy Baltimore, footballeuse française qui évolue depuis 2016 au Paris Saint-Germain. 2004, naissance de Millie Bobby Brown, actrice britannique, vue au cinéma Godzilla, King of Monsters, dans le rôle de Madison Russell, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans Godzilla vs Kong, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre, vue à la télévision dans NCIS Enquête Spéciale, Grey's Anatomy, et on la connaît surtout pour son rôle de 11 depuis 2016 dans la série télé Stranger Things. En 1980, décédé Bon Scott, chanteur du groupe AC/DC, et on va rendre hommage en écoutant tout de suite un petit extrait du titre Highway to Hell. C'était bon ce petit extrait d'AC/DC en 2001, décédé Charles Trenet, chanteur français qu'on écoutera en fin d'émission. Et ça fait un an aujourd'hui qu'on apprenait le décès de Karl Lagerfeld, un célèbre couturier, photographe et éditeur allemand. Allez, avant de s'écouter Gossip, on va parler des sorties cinéma comme tous les mercredis. On commence avec L'Appel de la Forêt, film d'aventure de Chris Sanders avec Harrison Ford, Dan Stevens et Omar Sy. Il n'arrête pas, il est partout en ce moment. Autre film, 10 jours sans maman, comédie de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Horatica ou encore Alice David. Et dernier film, le cas Richard Jewell, drame de Clint Eastwood, avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell ou encore Kathy Bates. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Gossip avec le titre Heavy Cross. It's a cruel, cruel just you. It's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Le groupe Gossip sur le 107 FM, on parle météo. La météo. Eh bien, c'est de la pluie, même si on peut apercevoir un petit peu d'éclaircies, mais bon, ce sera quand même pas mal de pluie, en tout cas pour ce matin, et même de la neige en montagne. Et pour cet après-midi, on devrait avoir quelques éclaircies. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 6 et 7 degrés prévues pour cet après-midi. Jeudi sera une journée ensoleillée avec quand même des nuages. Hein. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévues pour jeudi après-midi. Et vendredi devrait être une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football et la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain qui s'est vraiment compliqué la chose puisque le PSG s'est incliné sur la pelouse de Dortmund 2-1. L'Atlético Madrid s'est imposé 1-0 face au tenant du titre Liverpool. Ce soir, Atalanta reçoit Valence et Tottenham reçoit le RB Leipzig. Un mot de biathlon avec les championnats du monde. Hier, c'était l'individuel féminin et ça ne va pas mieux pour nos Françaises. C'est vraiment compliqué sur ces championnats du monde. La première Française, c'est Justine Brezaz qui s'est classée 19e de cet individuel avec un 16/20 au tir. C'est dommage hein, puisqu'elle avait le dossard rouge de leader du classement l'individuel pour remporter le petit globe. Mais on verra tout à l'heure hein, que ce petit globe lui a échappé. Célia Imonier s'est classée 28e avec un 16/20 au tir. Julia Simon 31e avec un 15/20 au tir. Et 14/20 pour Anaïs Bescon qui s'est classée 52e. L'individuel féminin a été remporté par l'Italie. Dorothea Wierer, elle devance l'Allemande Ince et la Norvégienne Roiseland, quatrième Anna Heuberg. Et avec cette quatrième place, elle ne remporte peut-être pas de médaille mondiale, mais elle s'adjuge le petit globe de la discipline de l'individuel. Donc aujourd'hui, c'est l'individuel. Messieurs, ils seront 105 à prendre le départ. 4 Français, 5 si on compte Florent Claude. Fabien Claude partira avec le dossard 14, Martin Fourcade lui le dossard 30, le dossard 37 pour Simon Détieux et le dossard 51 pour Quentin Fillon-Maillet et Florent Claude, autre Vosgien qui court hein, sous les couleurs belges je vous le rappelle, partira lui avec le dossard 32, le premier à s'élancer sera Langer, le dossard 7 de Loguinov, le dossard 21 pour Tariebeu, le 31 pour Dallet, le 45 pour Peffer, le 47 pour Doll, le 54 pour Johannes Bö et ou encore le 89 de Simon Eder. Allez, on termine avec du tennis. À Marseille, l'élimination de Hoang en 2-7 face à Urquaz. Gilles Simon s'est imposé face à son compatriote Maillot en 2-7. Aujourd'hui, Herbert affrontera Kukushkin et Benoît Paire sera opposé à Bublik. À Delray Beach, Hugo Humbert s'est imposé en 3-7 face à Edmund. Pas de Français sur les cours aujourd'hui. Et à Dubaï, hier, Mladenovic s'est imposé en 2-7 face à Sasnovic. Elle affrontera aujourd'hui Pliskova. Allez, tout de suite, on marque la dernière pause musicale. Et il y a de la joie avec Charles Trenet. Il y a de la joie